Bonsoir les amoureux de la musique électronique, bien sûr, vous aimez ça? Eh bien, vous êtes sur la bonne fréquence puisque Milky Wave démarre pour une heure de mix. Une heure concoctée par Airwaves ce soir. Il nous a bien soignés puisque nous avons droit à des nouveautés et des exclusivités Milky Wave aussi. Super ça. Le premier morceau que nous allons écouter nous vient du russe Alex Mango du label Mango Alley. Il s'est associé à Sea Waves et ensemble ils ont fait The Shore, un remix de We Are All Astronauts. On est tous des astronautes, sauf moi. Quoique. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Wearwave. Victory is mine, not giving up this time. There's milk on in my grief. C'était Mango et Sea Waves pour The Shore. Et on poursuit cette belle soirée avec l'anglais Castla, avec un titre qui sonne plutôt ibérique. C'est Astraios, un Hugo Allen remix. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. C'était Castla avec Astraios, Hugo Allen Remix. Milky Wave toujours sur Vibration en compagnie de Airwave au platine et le Raf au micro. On poursuit avec un morceau de Progressive House russe, puisqu'il s'agit de 4H Community, avec un titre qui s'appelle Burning Sunrise, un mix Introvision. On écoute ça. Après les Russes de 4H Community et leur Burning Sunrise, on passe au groupe Wej, W-E-J, produit par le français Martin Bouvier, et le titre c'est Magnetic Blur. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Airwave. c'était Wedge avec Magnetic Blur. J'espère que vous passez une excellente soirée en notre compagnie. C'est toujours le Raph au micro et c'est Airwave qui a pris les commandes des platines ce soir. Le prochain morceau d'ailleurs, c'est une exclue avec un tout nouveau track qui s'appelle Switch. Il s'agit du Belge Echo, E-C-C-O. On écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Voilà, c'était le Belge Echo avec Switch, une exclue Milky Waves. Merci qui ? Merci Airwave. Alors le prochain morceau pour arriver à la demi-heure d'émission déjà, c'est Paul Cardos avec Oblivion, un original mix. C'est parti. Thank you. Alors, après Paul Cardos et Oblivion, nous passons à Rogier, and Stage Van H, avec le titre Morning Call, et c'est un Yuri from Russia remix. Yuri from Russia, on l'a déjà entendu plusieurs fois, hein. Un bon remixeur, on écoute ça maintenant. We'll be right back. C'était Rogier and State Van H avec Morning Call, un Yuri from Russia remix. Vous écoutez toujours Milky Waves, l'émission de musique électronique sur Vibration. 107.2 Bruxelles, 91.0 Mons et Vibration.fm, mais vous connaissez ça par cœur évidemment. Toujours le Raph au micro et Airwave au platine, Airwave qui nous a sélectionné un morceau de Audiotox et Overton Watson, Walking On. On marche, on marche. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Nous venons d'écouter Audiotox et Overton Watson avec le dernier titre sur Mystic Music, Walking On. Et maintenant, on passe à un morceau de Robert R. Hardy avec le titre Sense of Happiness. Et c'est un remix Alfonso Muchacho, aïe aïe aïe. c'était Robert R. Hardy avec Sense of Happiness, le fameux remix Alfonso Muchacho. Et maintenant, on passe à la deuxième exclusivité de Milky Ways. Et c'est une exclue de Rise and Fall. Je vous laisse écouter ça. Après cet exclu déniché par Airwave, Donc c'était Rise and Fall. On passe à Marcus Schultz avec le titre Destino et c'est un remix DJ Shy Presents Horizons. Ça c'est long comme nom, hein. Allez, on écoute ça. C'était Marcus Schultz avec Destino. À suivre, le britannique actif depuis 2005, Bluefield, avec le titre Huddlestone Arch. Un remix Delphi. c'était Bluefeld avec Huddlestone Arch, Delphi Remix. Elle était bien l'heure de mix en compagnie d'Airwave, mais il est malheureusement temps de se quitter, ben oui. Nous allons nous quitter en compagnie de l'anversois Kevin Vega, qui nous revient après des titres forts comme Ballistic, son premier single, toujours en forme sur Bonsaï Progressive, avec le titre de ce soir, c'est Andromeda, un original mix. Et sur ce dernier titre, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne semaine, et j'espère vous retrouver dimanche prochain, évidemment, avec de nouveaux titres. Ce sera Nico Parisi, je pense, la semaine prochaine. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook aussi, hein. Je vous laisse là, bonne fin de soirée, bye bye.